ses adultères dans ses gouvernements. Dans les provinces de son gouvernement, il ne respectait pas davantage le lit conjugal, témoin sévère chanté en chœur par ses soldats le jour où il triompha des Gaules. « Citoyens, surveillez vos femmes, nous amènerons un adultère chauve, tu as forniqué en Gaule avec l'or emprunté à Rome. »